C'est quoi ça? C'était pas un petit Larsen? Attends, on va changer de disque. Ah, t'aimes bien ça quand même. Ah bah d'accord, Hervé, t'es plus là? Non, je suis plus là. Ah d'accord. Ah, j'adore ce morceau. Mais je sais que tu l'aimes bien, c'est pour ça que je mets toujours en boucle derrière moi. Bon, comment? Quelle bonne nouvelle. Alors raconte un petit peu ta soirée, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas... Enfin beaucoup, qui auraient voulu être là, mais qui ont eu quelques petits empêchements, malgré le gros succès que tu as eu pour la dernière soirée, ouais, même très, en face. Très, très. D'ailleurs, c'était la plus grosse soirée de l'année. C'était noir, noir de monde, les groupes ont super assuré. Ouais. Cédric, le DJ Cure, ça était vraiment un carton, quoi. Super ambiance, on a fini à 8h du matin, grosse fête. Terrible. Très très gros succès de la dernière soirée Remember of Past. D'ailleurs les photos, je vais les mettre bientôt. Ouais. Très bientôt, dès que je peux. Oh là là, t'as du Larsen mon amour. Non mais c'est normal, voilà, je règle. Bon. Ici, tous les matins, ils bougent les boutons. Là. Bon merde. Vas-y. Bon, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, je t'entends, c'est bon, impeccable. Bon, super, non mais très très gros carton. D'ailleurs, sur ma page MySpace, c'est vraiment des super commentaires, etc. C'est vraiment, vraiment, on est vraiment super contents, quoi. Je suis très ému du nombre de personnes qui sont venues, des anciens clients du 37, du Sky, etc. C'était vraiment très hétéroclite comme clientèle, les gothiques, il y avait tout, vraiment super mélange. Donc, prochaine soirée, le 1er décembre, à la Darkside. D'ailleurs, c'est la dernière soirée qui aura lieu au Steeple. Ouais. Puis ensuite, c'est en février, donc dans ce nouveau lieu, ce beau château, où on commencera par une soirée qui va s'appeler le Remember of Past, par exemple le bal masqué années 80. Voilà, voilà, mais ça, je vous en dirai. Ah bah, plus beaucoup, bientôt, j'espère. Plus très bientôt. Ah bah, quand même. Avec des photos, etc., via le site. Super beau endroit, super bel endroit. Bah écoutez, on attend ça avec impatience. Et merci à vous tous de votre soutien, mesdemoiselles, messieurs, mesdemoiselles, mesdames. Messieurs, hein, surtout aussi, quand même. Ouais, quand même. Quand même. Voilà. Trouves pas que je suis bronzé? Bah écoute, tu as très bonne mine. Bah merci. En plus avec ton petit manteau là-bas. En fourrure. Ah ouais, ça te va à ravir. Miaou. Miaou. Bon, enfin pour l'émission. Ouais, super. Jusqu'à 22h30. Exactement. Avec de la nouveauté? Un peu. Beaucoup. Des anciens trucs, de tout, etc., etc., etc. Bien. Voilà, je t'embrasse mon grand. Moi aussi. Salut, ciao, merci à vous tous. Merci de votre fidélité, pour moi c'est très important, vous le savez. Ciao. Allez, tout de suite Hervé pour l'émission Remember of Past, qui vous accompagne jusqu'à 22h30 bien sûr. Et puis dans la foulée, ce sera l'émission de Marty Techware, entre 23h et 1h du matin. Et je crois qu'il y a aussi Part One, peut-être en deuxième partie de soirée plutôt. Et Marty, ce sera en troisième partie de soirée. En tout cas, les 21h02, bonne soirée à tous. Et puis à demain. Galaxy, out of time, out of time. Remember of Past, une émission. Rise. Thank you.

Basement.